soirée pour satiner voix dans douce miel. En moment passion pour cristalliser l'âme nous entière. Alors des mots tendresse qui pour nous moments indélébiles. Sensuellement la ligne nous qui amène nous si tempo Brasil. Alors des mots de tendresse qui pour nous moments indélébiles. Sensuellement darling, nous qui aimons nous si tempo au Brésil. Parfum, café, vine, réveille. On sourira sous les vents qui pour moi en main si subtil. On caresse à sous port que ça dit. J'aimerais aimer darling. J'ai en toute vie installée. Alors moi qui développé dans ma magie l'amour. Pour protéger durant toute la vie nous. Alors des mots de tendresse qui pour nous moments indélébiles. Sensuellement darling, nous qui aimons nous si tempo Brasil. Tempo Brasil. Sensation courtisée chez nous. Allez-y.